Alors moi je vais essayer de me concentrer sur David Bowie pendant les quelques 50 minutes qui me sont imparties, et puis bien après que nous ayons décidé de nous concentrer sur David Bowie, parce qu'au début moi je voulais te parler de Kiss, mais Dick n'était pas super enthousiaste, et donc bien après qu'on ait décidé qu'on allait travailler sur David Bowie, eh bien l'actualité nous a rattrapés, et donc moi je vais vous parler de Bowie comme curiosité spatiale et comme terrien. Et comme il y a beaucoup de wallons dans le truc, je vous ai quand même mis une petite traduction pour mes jeux de mots balourds du début, puisque curiosité spatiale, ça renvoie à Space Oddity, et évidemment terrien, ça renvoie à l'album Earthling de David Bowie, qui est sorti à la fin des années 90. Et donc, si vous étiez sur la planète Terre ces derniers jours, eh bien, vous avez tous réentendu du Bowie à l'occasion de ce tribunal. Voilà, s'ils sont super contents comme ça, c'est parce que effectivement, vous l'avez vu dans les nouvelles, ils ont réussi à lancer cette fusée qui s'appelle Falcon Heavy. Donc c'était il y a une quinzaine de jours, c'était la fusée qui était lancée par l'entreprise de Elon Musk là, qui s'appelle SpaceX, et donc qui était destinée à envoyer cette voiture Tesla qui était son seul bagage. Mais sur la voiture Tesla, il y avait moteur à deux, et dans moteur à deux, il y avait deux titres qui tournait en boucle. Il y a déjà quelqu'un qui a calculé, on est à 3800 fois où cette musique-là, enfin, si la batterie fonctionne toujours. Et donc, on passait Space Oddity, un titre de 1969, et Life on Mars, c'est ce que vous venez d'entendre, un titre de 1971. Et donc, là-dedans, on avait déjà, avec Space Oddity, c'était la première chanson de David Bowie en 69, à évoquer déjà les thématiques de l'espace, et une des premières aussi à parler des avatars de David Bowie. Et l'avatar de David Bowie sur Space Oddity, c'était un monsieur qui s'appelait Major Tom, c'est-à-dire un astronaute qui commençait à dialoguer avec la Terre. Et 10 ans après Space Oddity, David Bowie nous apprendra dans une autre chanson qui s'appelle HS to HS que son astronaute n'était rien d'autre qu'un junkie, en fait, qui était en train de fantasmer. Donc, la chanson elle-même, donc Space Oddity, c'était déjà aussi un jeu de mots sur une autre forme de culture populaire, puisque Space Oddity sort un an après un film qui s'appelle 2001 Space Odyssey, et donc on avait déjà toute une série de références à la culture populaire de l'époque, et une chanson qui avait déjà été utilisée elle aussi par la BBC, puisque quand Apollo 11 avait été aligné sur la Lune en 1969, et bien c'était déjà la musique de Space Oddity. C'est ça, en distance, on retrouve ça pour accompagner ces aventures spatiales. Et donc, Major Tom, c'est la première incarnation de David Bowie, et elle va être suivie par beaucoup, beaucoup d'autres. Deuxième incarnation de David Bowie après Major Tom, ce sera, je ne sais pas si vous les reconnaissez, on peut peut-être faire une sorte de quiz. Et donc, ici, en fait, c'est Ziggy Stardust, et on est en 1972, et donc c'était là, Ziggy Stardust, comme modèle, il renvoie là aussi à de la culture populaire, et son modèle principal, c'est Vince Taylor, donc qui était ce rocker de la fin des années 50, qui était déjà à ce moment-là en pleine dégénérescence intellectuelle, et qui devient une sorte de modèle pour Ziggy Stardust. Et puis ça ne durera pas très très longtemps, puisque Ziggy Stardust se transforme en 1973 en Aladdin Sane, et donc c'est une sorte de prolongement de Ziggy Stardust que David Bowie va détruire symboliquement sur une scène londonienne en 1973 en venant dire, ben, c'est le dernier concert qu'on fera jamais de notre vie. Et il parle évidemment non pas au nom de David Bowie, mais il parle au nom de cette incarnation-là. Et puis les concerts suivants ou les tournées suivantes, eh bien elles concerneront alors un nouveau personnage qui s'appelle Halloween Jack. On est en 1974 et donc un personnage qu'on trouve sur un album qui s'appelle Diamond Dog et qui sera inspiré, lui, de nouveau par un des grands romans anglais de la seconde, de la pré-seconde guerre mondiale, c'est le 1984 de George Orwell. Et puis après, on aura encore, les dias sont parfois un peu mauvais, je m'en excuse, on aura encore comme personnage une personne qui va appeler The Thin White Duke et qu'on trouvera à partir de 1975 sur un album qui s'appelle Station to Station et qui lui vaudra pas mal de nouvelles controverses parce que je vais pas m'arrêter sur chacune d'entre elles, mais à chaque personnage de David Bowie il y a toute une série de controverses qui naissent. Ici c'était dans une pseudo-allégeance au fascisme qui vaudra pas mal de critiques à David Bowie. Et puis alors il y a toute une série, je vais pas remonter la chronologie, la dernière incarnation de David Bowie c'était en 2016 et je ne sais pas si vous avez entendu ou si vous reconnaissez l'album, c'était une chanson qui s'appelait Lazare et qui a, ou Lazarus, et une chanson donc qui figurait sur le dernier album qui a été publié quelques jours avant sa mort seulement. Et donc dans cette chanson là quelques éléments quand même étaient un peu étonnants si on regarde les textes, mais ils sont peut-être minuscules pour vous. Donc si vous regardez les textes, eh bien il y a toute une série dont c'est publié en décembre 2015, il meurt en janvier 2016, et on a là-dedans des phrases comme « Regardez là-haut, je suis au paradis » ou « Oh, je serai libre comme ce merle bleu ». Eh bien, dès que Bowie est décédé, eh bien, on a relu immédiatement les textes et on en a vu une sorte de manifeste testamentaire. Ce n'était pas Lazare, donc la énième incarnation de David Bowie, qui nous parlait de résurrection par la voix de Bowie, mais c'était Bowie lui-même, évidemment, qui nous parlait de son destin en se prenant pour le plus célèbre des ressuscités de l'histoire, qui était évidemment Lazare. Et donc, avec cette espèce de dernière incarnation, on avait l'impression que quelques jours avant sa mort, eh bien, David Bowie, il bouclait un peu la boucle, puisque après avoir construit presque toute sa mythologie sur ce mythe qui nous vient de Rimbaud sur le « je est un autre », eh bien, on avait l'impression que dans son dernier 45 tours publié, eh bien, tous les personnages fantasques qu'il avait pu s'inventer au cours de sa carrière n'étaient finalement qu'une seule et même voix, c'est-à-dire la sienne. Et donc, et à chaque fois qu'on a eu... peut-être vous faire écouter ça, alors. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama that can't be stolen. Everybody knows me now. C'est l'intégralité du titre, mais je pense qu'aux paroles qu'on vient d'entendre, eh bien, on reconnaît bien cette espèce de collusion et d'immédiateté entre les personnages qui s'inventent et la vie qu'il est en train de mener. Et c'est assez amusant d'ailleurs que les premières critiques de l'album qui étaient sorties n'avaient pas du tout tenu compte de ça. Et on voit bien que la plupart des prescripteurs, qui étaient les journalistes censés être spécialisés, s'étaient complètement fait démolir par les fans qui s'étaient dit « Mais enfin, c'était impossible que vous n'ayez pas vu que Bowie était en train de mourir. » Il nous disait dans le texte et des choses aussi élémentaires que ça vous sont passées au-dessus. Donc il y a eu des controverses assez impressionnantes juste après. Alors, chaque fois que Moïse est inventé un de ces personnages, c'était le même mode opératoire. C'est-à-dire que on a une sorte de cycle, une sorte de boucle qui se reproduit en permanence. On a donc la création d'un personnage fictif qui se pour lequel il dessine une image et où il dessine une esthétique relativement forte. Il y a la confrontation de ce personnage-là avec la sphère médiatique et avec sa popularité. Et puis, il y a la destruction plus ou moins spectaculaire de l'avatar, soit à la fin des tournées, soit dans le cas de Lazare, à la fin de sa vie, évidemment, ce qui est sans doute sa destruction la plus spectaculaire de ces personnages. Alors, la question qu'on va essayer d'envisager pendant les quelques minutes qu'on a à nos dispositions, c'est quoi le sens? Comment est-ce qu'on peut expliquer le sens de toutes ces postures, de tous ces personnages qui s'est inventé? D'où est-ce qu'elles lui venaient, ces conceptions de la création? Parce que, évidemment, personne ne vit sur une île, évidemment. Et je voudrais tenter d'apporter des éléments de réponse en revenant assez brièvement sur le contexte de l'époque, et puis alors en avançant deux hypothèses. La première hypothèse, c'est celle de réenchanter un peu le rock après l'échec du mouvement hippie. Et la deuxième hypothèse, c'est de se dire que cette popularité immense qu'il arrive à avoir, c'est que, en dépit de ses aspects novateurs, il y a des côtés qui me semblent très très conservateurs chez David Bowie. Et donc, d'abord commencer par quelques mots sur l'état du rock à la fin des années 60. Et me semble-t-il que pour évoquer l'état du rock à la fin des années 60, j'ai une affiche qui est absolument magnifique. Vous savez que le Time Magazine, chaque année, enfin chaque premier numéro de janvier, eh bien fait une sorte de synthèse de l'année écoulée. Et au cours de l'année écoulée, eh bien il met en exergue... Merci beaucoup. Il met en exergue la personnalité qui a été la plus marquante de l'année écoulée. Et ça, c'est la couverture du 5 janvier 1970, et vous le voyez, la personnalité qui a été la plus marquante pendant l'année 69, eh bien, ce sont les Américains moyens. C'est-à-dire, et donc vous le voyez, enfin, je ne sais pas si vous devinez, mais en bas des personnages stylisés, vous avez une école, une clé à molette, des voitures, une maison champêtre, etc. C'est-à-dire des tas de choses dans lesquelles croyaient des millions de gens formidables, des gens qui avaient une attitude optimiste, des gens qui sont polis les uns envers les autres, des gens qui n'ont pas de relations sexuelles avant le mariage, etc. C'est-à-dire que ce que le Time vient célébrer, c'est en fait tous ceux qui avaient élu Richard Nixon à la présidence des États-Unis 2 ans plus tôt. C'est-à-dire tous ceux qui finalement triomphent du psychédélisme ou tous ceux qui ont triomphé des hippies. Et effectivement, ce qu'on voit dans les pays industrialisés, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Angleterre, eh bien, c'est que ce sont des gouvernements conservateurs qui se remettent en place. Et les gouvernements conservateurs viennent en fait combler, ou en tout cas viennent rétablir la loi et l'ordre après quelques années qu'on qualifie à l'époque d'années de permissivité. Et donc, on a une espèce de retour à la normale. Et donc, quand on est amateur de rock à l'extrême fin des années 60 ou au tout début des années 70, cette espèce de changement ou cette espèce de basculement politique, il est d'autant plus rude que l'échec de la tentative psychédélique de créer une société consensuelle, de créer une société qui soit bienveillante, de créer une société qui soit ouverte à toutes les différences, eh bien, elle s'accompagnait aussi d'une sorte de fiasco musical, parce que la fin des années 60, c'est la mort symbolique des Beatles qui se sépare, la fin des années 60, c'est les morts bien réelles de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Jim Morrison, de Brian Jones, de ce spectateur d'Altamont là qui est tué par le service de sécurité. C'est la mort aussi des étudiants de la Kent State University qui protestaient contre la guerre du Vietnam. Et donc tout ça, on a l'impression effectivement que, comme on l'avait déjà vu au tout début des années 60, on a l'impression au tout début des années 70 que le rock s'est un peu terminé et qu'on revient maintenant à des choses qui sont un peu plus normales ou un peu plus traditionnelles. Et donc, quand David Bowie apparaît sur la scène médiatique, eh bien, on a l'impression que les cendres du psychédélisme ont été complètement éparpillées. Il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus véritablement de groupes qui acceptent de reprendre cette espèce de vision du monde un peu holistique qu'on avait vu avec le psychédélisme. Et tous les nouveaux genres qui apparaissent à la fin des années 60, c'est se dire, ben, on s'empare d'un truc qui vient du psychédélisme, mais d'une facette seulement de ça. Et donc, par exemple, ben, le rock progressif fin des années 60, eh bien lui, il va s'emparer de la facette un peu virtuose du psychédélisme, et le heavy metal va, ou le hard rock plutôt, on ne parle pas encore de heavy metal à l'époque, le hard rock, lui, va plutôt s'emparer des excès sonores, des excès d'images, etc. Et puis alors, on va évidemment avoir le glam rock, qui va lui pratiquement s'emparer exclusivement des questions d'images qui avaient été véhiculées par le psychédélisme, etc. Donc tous ces nouveaux courants, eh bien on a l'impression qu'ils se partagent un peu le butin du psychédélisme sans jamais vouloir proposer une situation plus générale. Et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que David Bowie va apporter, me semble-t-il ? Et donc, dans l'apport, c'est, je vous le disais, cette volonté d'essayer de réenchanter le rock. Et donc, face à cette espèce de contexte morose, eh bien, au départ, David Bowie va un peu se poser comme un des champions de ce qu'on appelle le glam rock. Et donc, il va essayer de proposer une sorte de nouvelle lecture du rock. Et cette nouvelle lecture du rock, oui, sur quoi est-ce qu'elle se base ? Eh bien, il me semble que la première source de l'art de David Bowie, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les écoles d'art, donc les art schools en Angleterre. C'est un truc qui est tout à fait particulier, enfin, qu'on connaît un peu chez nous, mais de manière bien moins prononcée qu'en Angleterre. Ce sont des institutions qui sont fondées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui sont destinées à des gens qui ne se destinent pas d'une part à être des intellectuels purs, c'est-à-dire à entrer à l'université, et qui se destinent, et pas nécessairement à des gens qui se destinent, eux, à être des manuels purs et à aller directement travailler. Et donc, on va retrouver dans ces écoles d'art une bohème extrêmement importante qui sont tous ces étudiants qui sortent de l'école primaire, qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire de leur vie et qui vont commencer des écoles artistiques. Et donc, il y en a des dizaines qui sont fondées en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces écoles d'art, on va retrouver en fait une bonne partie des musiciens de rock qui vont être actifs dans les années 60 et les années 70. Je vous cite un petit inventaire, viennent de ces écoles d'art Keith Richards, donc le guitariste des Rolling Stones, vient d'une école d'art Pete Townshend, donc le guitariste des Who, et lui c'est particulièrement flagrant de voir comment il applique ce qu'il a appris à l'école, puisque lui, Pete Townshend en particulier, il suit les cours avec Richard Metzger, qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'art autodestructif. Et donc c'est un gars qui peignait avec de l'acide, et donc les toiles se détruisaient au fur et à mesure. Et Pete Townshend a dit dans tous les livres auxquels il a participé, se dire détruire son matériel en sortant de scène, ou en tout cas en terminant les concerts, c'était appliquer simplement des préceptes qui avaient été enseignés à l'école. Et donc à côté de Pete Townshend, qui est Richard, il y a aussi Freddie Mercury, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, Eric Clapton, Syd Barrett, premier guitariste et chanteur de Pink Floyd, Jimmy Page, et énormément de personnes. Et donc, Bowie, lui aussi, en fait, il fait cette espèce de même parcours en passant par une école qui n'est pas à proprement parler une école d'art, mais dans laquelle il y a une formation artistique qui a été relativement renforcée. Et alors, ce qu'il va faire quand Bowie donne ses premiers concerts, donc au départ, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des fans absolus, mais pour les premiers fans, Bowie, c'est d'abord un musicien de folk. En tout cas, il commence sa carrière comme un musicien de folk. Et donc, avec lui et ses quelques compagnons de route des origines, eh bien, ils vont, dans le café dans lequel ils donnent ses premiers concerts de folk, ils vont transformer ça en ce que tout le monde transforme à l'époque, ils vont en faire un art lab, donc un laboratoire artistique, et donc on va passer du folk à des espèces de spectacles multimédia dans lequel il y aura évidemment de la musique, mais dans lequel on va voir apparaître des projections de diapositives, c'est pas encore des projections vidéo à l'époque, c'est la lecture de poèmes, etc. Et donc on a une approche qui devient beaucoup plus multimédia. Et donc on voit bien que dans ce cadre-là, eh bien, il y a une sorte, et en plus, oui, le sous-titre qu'il donne à son art lab, parce que pratiquement chacune des villes anglaises forme son propre art lab à l'époque, David Bowie, il intitule le sien Growth, donc expansion, quelque chose comme ça, et donc on voit là aussi bien où il veut en venir. Et donc, le basculement de cette espèce de ces espèces de sessions de folk vers des sessions d'art total, si j'ose dire, eh bien, ça s'explique en grande partie par cet enseignement qu'il a pu connaître ou rencontrer dans les écoles d'art. Deuxième source, c'est que ce que Bowie et ses contemporains vont faire, c'est aussi adhérer aux évolutions médiatiques de l'époque. Et je ne vais pas pouvoir tout envisager, mais il y a un point qui me paraît vraiment étonnant, c'est de dire que avec les années 70, les évolutions technologiques permettent en fait d'amplifier des espaces qui sont beaucoup plus grands. Vous connaissez tous l'anecdote des Beatles qui donnent leur concert au milieu des années 60 dans le Shea Stadium, et on dit ben, les gonzesses étaient en train de hurler tellement fort qu'on n'entendait pas les Beatles jouer. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est évidemment pas que les jeunes filles du milieu des années 60 hurlent plus fort que celles des années 2000, c'est simplement que la sono ne suit pas à ce moment-là. Et en quelques années, les évolutions technologiques sont telles qu'on va pouvoir effectivement sonoriser des espaces qui sont beaucoup plus grands. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est que on va passer de salles plus ou moins normales à des stades ou à des grands halls sportifs, notamment aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce que ça crée comme problème? Si on peut sonoriser, ça pose toujours des problèmes visuels. Vous avez tous fait cette expérience-là, et dans une salle de 2000 personnes, ça ne pose pas trop de problèmes pour regarder ceux qui sont en train de jouer. Quand vous êtes dans une salle où il y a 20 000 personnes et que vous êtes derrière, voir les espèces de puces qui sont là devant, ça ne donne pas grand-chose. Et en fait, David Bowie et la plupart des gens qui participent à ce glam rock-là, eh bien, c'est en fait, il va falloir essayer de se mettre en scène. Donc comment créer des spectacles qui puissent être vus dans ces nouveaux espaces qui sont investis par le rock and roll. Et une manière d'occuper cet espace, c'est évidemment de le colorer, de soi-même se déguiser, de travailler sur les éclairages, de travailler sur les décors, etc. Et donc une part du glam rock, voilà, vous le voyez comme ça, donc voilà comment on peut s'habiller pour essayer d'attirer l'attention sur soi quand on est dans grand chose. Ça, c'est, je ne sais pas si vous les reconnaissez, donc un des groupes de glam rock tout à fait contemporains de Bowie, il s'agit de Slade. Et donc ces vêtements avec les semelles super compensées, se teindre les cheveux, se maquiller de façon outrancière, etc. Et c'est exacerbé, ce n'est pas neuf, mais c'est exacerbé toute une série de tendances qui existaient déjà, notamment depuis la coterie de Andy Warhol à New York, ou depuis ce que Peter Gabriel, notamment, avait essayé de faire dans les années 80. Et d'ailleurs, dans cette espèce de théâtre du rock qu'on essaye de mettre en place pour occuper l'espace de ces nouvelles salles, eh bien, David Bowie va jouer un rôle fondamental parce qu'on considère généralement que le premier macro-spectacle de l'histoire du rock, c'est la tournée Diamond Dog aux États-Unis en 1974, dans laquelle Bowie va demander qu'on reconstitue un décor post-apocalyptique qui soit en fait, qui soit une évocation du roman d'Orwell dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 1984. Et puis tout ça a été augmenté par un grand orchestre, il y avait un chef d'orchestre qui accompagnait ça, donc la volonté d'occuper l'espace me semble être importante dans cette évolution médiatique. Troisième point, c'est que la manière de réenchanter le rock, elle passe aussi par une sorte de pied de nez qui est adressé à tous les gens qui pratiquaient le rock jusque-là et qui sont déjà rangés dans la catégorie des vieux à l'époque. Et donc, s'il y a bien quelque chose, évidemment, qui peut rassembler les nouvelles générations adolescentes autour d'un produit culturel, c'est évidemment l'affirmation que ce nouveau produit culturel rend obsolète tout ce qui existait précédemment. Et le glam rock, c'est exactement ça, parce que c'est une forme de rock qui va venir contredire une des raisons d'être du rock. Jusque-là, quand vous parliez de folk, quand vous parliez de Bob Dylan, etc., ou quand vous parliez des hippies, ce qui venait vous dire, c'est que ben, ce qu'on vous présentait sur scène, c'était une sorte de représentation ultime de la vraie vie. Hein, c'était une sorte de... Le rocker, c'était quelqu'un d'authentique. Le rocker, c'était quelqu'un de sincère, qui venait parler de ce qu'il ressentait, etc. Et quand Bowie débarque avec tous les mecs qui font du glam rock, eh bien, ce qu'il vient de dire, c'est « Ben non, le rock, ce n'est pas ça ». Le rock, c'est un lieu d'inauthenticité. Le rock, c'est un théâtre. Le rock, c'est un truc où on vient jouer une pièce. Le rock, c'est un spectacle artificiel. C'est un lieu de faux semblants. Et on ne doit pas parler de vous, mais on doit essayer d'évoquer ce qui pourrait advenir ou ce que vous pourriez vous-même être. Et donc, cette espèce de dogme, là aussi, c'est pas quelque chose qui est neuf. David Bowie, il l'emprunte à Andy Warhol. Et dans une de ses interviews, il dit qu'il avait été complètement fasciné par les commentaires que Andy Warhol avait fait en 1968, alors qu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat. Voilà ce que Andy Warhol disait. J'ai toujours eu l'impression qu'au lieu de vivre vraiment ma vie, j'étais en train d'assister à un spectacle télévisé. Depuis l'attentat, j'en suis certain. Et donc, on voit bien cette espèce de décalage en se disant, mais effectivement, on vit dans un monde parallèle, et c'est ce que David Bowie va en particulier essayer d'appliquer. Et donc, dans de nombreux cas, la création musicale, elle va plus être motivée par cette espèce de désir romantique d'exprimer sa différence, mais plutôt comme une volonté de présenter le rock comme une sorte d'artifice musical. Alors, quatrième point, c'est que, au début des années 70, pour réenchanter le rock, on invente des univers, Dick l'a souligné tout à l'heure pour commencer. Quand on était un hippie, on se rendait bien compte que la société contemporaine, elle souffrait de toute une série de maux. Et parmi ces maux-là, eh bien, on pouvait les guérir. Et on pouvait les guérir pour autant qu'il y ait une sorte de volonté commune, pour autant qu'il y ait des convictions partagées, pour autant qu'il y ait cette espèce de vision déterministe un peu platonicienne. Vous voyez, si tout le monde se donne la main, eh bien, on avancera et on construira un monde meilleur. Eh bien, dans le glam, on est en complète rupture avec les idées qui sont développées par la contre-culture. La majeure partie des paroliers vont refuser de parler d'ici et maintenant et vont refuser au rock, de prêter au rock, pardon, le pouvoir de changer le monde. Ce qui va les inspirer, c'est la science-fiction, c'est l'heroic fantasy, ce sont les dystopies, ce sont les utopies. Et donc tout ça vient jouer une sorte de rôle, une sorte de substitut à la réalité. Et on a l'impression, après les échecs de mai 68, ou après l'échec du psychédélisme, que ben, puisque les tentatives de construire une société épanouie, de construire une société heureuse sur Terre, c'est pas possible, eh bien il faut juste qu'on se projette ailleurs. Et donc on va parler beaucoup de futur, on va parler beaucoup de passé, mais on parlera extrêmement peu de présent, même si évidemment, politiquement, ça y renvoie tout le temps. Et donc Bowie va plonger dans ces mondes parallèles, mais il va aussi proposer des lectures un peu utopiques du monde, puisque Bowie c'est un peu la solution en fait aux problèmes qui avaient été rencontrés par les hippies à la fin des années 60, en affirmant en fait qu'il y a d'autres façons d'exister que celle et qu'il y a d'autres façons d'exister, surtout quand on habite des banlieues pourries de Londres, comme c'était évidemment son cas. Et donc qu'on peut essayer de franchir la banalité du quotidien, qu'on peut refuser les règles, qu'on peut transgresser les normes, et son succès va être tel qu'on peut se demander si d'un côté, il n'a pas incarné un peu par procuration toutes les transgressions dont rêvaient les adolescents à la fin des années 60 ou au début des années 70. Et donc, on se demande un peu, et puis le succès qu'il a eu, on se demande un peu si les marginaux auxquels il semblait s'adresser n'étaient pas eux-mêmes les gens qui étaient majoritaires dans la société de l'époque. Et dernière chose, alors, dans cette volonté, dans cette manière de réenchanter le monde, c'est de s'opposer, comme il l'écrivait lui-même, aux païens. Et les païens, c'est ceux que Bowie appelle les esclaves de la norme. Donc ça répond un peu à ce que je viens de dire il y a quelques instants. C'est-à-dire, Bowie s'oppose aux païens, c'est-à-dire il s'oppose à tous ceux qui acceptent ce qu'il appelle aussi l'apocalypse périurbaine. Donc ceux qui acceptent la banalité des camions laitiers, de prendre le bus pour aller bosser, etc. Et donc là-dessus, le glam rock, il est à mettre en liaison avec cette opposition face à la vie quotidienne, mais il est aussi à mettre en opposition à ceux qui pensent que les questions de genre, que les questions de race, etc., vont d'elles-mêmes. Alors, pour ces questions de genre, je pourrais juste peut-être en dire un mot, c'est que l'éclosion du glam rock, elle est tout à fait parallèle à l'apparition ou au développement de ce qu'on appelle le Gay Liberation Movement, donc du mouvement d'émancipation des homosexuels. Et ce mouvement d'émancipation des homosexuels, donc il commence à faire parler de lui au tout début des années 70 parce que on continue à classer l'homosexualité au rang des maladies mentales. Et le fait que glam rock donne aux artistes cette espèce de position un peu ambiguë sexuellement, eh bien, ça va d'une part aider relativement le courant, mais d'un autre côté, ça va aussi un peu le paralyser. Et Bowie va vraiment être au cœur des controverses, puisque, vous le savez, j'ai pas retrouvé l'affiche, mais en 1972, il fait une sorte de coming out spectaculaire dans la presse, ce qui lui vaut des premières pages, y compris dans les magazines et dans les périodiques. Et dans les périodiques spécialisées. Et donc, d'un côté, il va aider à libérer la parole de ceux qui sont homosexuels et qui n'ont pas cette position et qui vont pouvoir, effectivement, un peu s'exprimer. Mais d'un autre côté, ça va donner énormément, quand on regarde les articles dans les jours qui suivent sa déclaration, desservir un peu la cause des homosexuels parce qu'on se dit, mais donc, vous voyez bien que si David Bowie est homosexuel, ça veut dire que c'est tous des malades mentaux, effectivement. Et donc, il y a cette espèce d'oscillation qui va être un peu compliquée, mais en fait, il va devenir le porte-parole, le porte-drapeau un peu de la cause homosexuelle pendant des décennies, ce dont d'ailleurs, il va lui-même se repentir à de très très nombreuses reprises en disant qu'il aurait fait une carrière encore mille fois plus belle, en particulier aux États-Unis, si cette espèce de coming out un peu spectaculaire ne l'avait pas suivi. Alors, point suivant, il me reste encore une petite dizaine de minutes. Alors, peut-être de ce seconde hypothèse, c'est me dire que le succès de Bowie, il est sans doute en partie attribuable au fait que, en dépit de toute une série de postures très très progressistes, ce soit à bien des égards quelqu'un qui va véhiculer des images ou des idées qui sont un peu conservatrices. Alors, première chose qui est sans doute la plus évidente, c'est que David Bowie, il prolonge ou il essaie de réhabiliter une des figures les plus familières de la culture anglaise, c'est la figure du dandy. Et je peux vous citer un tout petit extrait ici, un tout petit extrait écrit à la fin du 19e siècle. « Le dandysme est autre chose qu'une affectation imbécile, c'est une morale, mieux c'est une arme. » Pareille haine pour la morale épicière, pareille volupté secrète de se sentir membre d'une élite, dispensée de cette morale, hors de la loi commune, au-dessus d'elle. Le dandysme est la manifestation extérieure d'une opposition profonde aux contemporains, la transposition d'un héroïsme révolutionnaire sur le plan apparemment frivole d'une activité éphémère, puisque la mode se confond avec la plus fine pointe du présent. Et donc ce texte-là qu'on croirait écrit à propos de David Bowie, eh bien, c'est un texte qui concerne Eugène Sue et qui est écrit à la fin du 19e siècle. Et donc, on croirait effectivement un portrait de Bowie, puisque c'est en effet un portrait qui nous ramène à cette figure intellectuelle ultra-british qui émerge à la fin du 19e siècle. Et donc, dans l'image que Bowie crée avec une part d'aura sexuelle, avec une part d'aplomb, avec une part d'étrangeté, en insistant sur le maquillage, en insistant sur les vêtements, en insistant sur la mise en scène, eh bien, on retrouve que, en plus de ses postures et de ses tenues, Bowie, c'est aussi un dandy parce qu'il va refuser d'autres types de normes, pas seulement les normes vestimentaires, mais il refuse des normes fondamentales de la société anglaise, la distinction homme-femme, la distinction humain-non-humain, la distinction homosexuelle, hétérosexuelle. Et on retrouve tout ça dans certaines des pochettes qui sont parmi ses plus célèbres, évidemment. Et donc vous avez ici la pochette de The Man Who Sold the World. C'est assez difficile de trouver quelque chose qui soit plus affecté et plus directement lié à la figure du dandy. Mais c'est la même chose. On trouve un peu ça aussi dans ce côté affecté dans la pochette de l'album Hunky Dory, et qui est en fait un pastiche. Je n'ai pas retrouvé la photo idéale, mais je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaissent l'actrice qui est à droite. C'est un pastiche de certaines postures de Greta Garbo qu'on retrouvait. Donc il y a ces postures affectées, pleines de morgue, un peu aristocratique, où la répartie compte beaucoup, etc. Et donc il y a là-dedans une sorte de nostalgie et une sorte d'image d'épinal de ce que de Bowie à la fin du XXe siècle, c'est une sorte d'image d'épinal de ce que devait être le dandy à la fin du 19e siècle. Alors, deuxième catégorie, c'est celle qui intéresse sans doute le plus les musicologues, c'est se dire que David Bowie, d'un point de vue musical, c'est quelqu'un qui est finalement assez conservateur. Et c'est d'ailleurs l'observation qui est le plus souvent formulée par ceux qui n'aiment pas David Bowie, c'est de se dire que ben, musicalement, c'est un suiveur, c'est un caméléon, c'est un profiteur, et donc c'est quelqu'un qui n'a cessé de s'approprier des musiques que d'autres ont inventées et de se faire de l'argent avec des choses qui ont été conçues par d'autres. Et effectivement, si on se réfère aux empreintes qu'on peut relever de la musique de David Bowie, on se trouve devant une sorte de catalogue qui est absolument impressionnant et qui concerne pratiquement toutes les étapes de sa carrière discographique. Je vous cite un exemple ou l'autre, mais parce qu'il y en a des dizaines, je ne sais pas si certains titres vous sont familiers, j'ai déjà évoqué Space Oddity tout à l'heure, eh bien, on a là-dedans des éléments folk ou des sonorités, notamment des sonorités de mellotron, qui renvoient à un instrument que les Beatles avaient utilisé pour la première fois 2 ans avant que David Bowie ne s'en empare. Et puis alors, on a 1984, la chanson sur Diamond Dogs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, elle, très très largement inspirée par des nouveaux types de films qui émergent aux États-Unis, qui sont des films qui appartiennent à la blaxploitation. Et ici, je vais vous montrer un exemple pour voir combien, à certains moments, la proximité musicale est absolument invraisemblable, même si Bowie vient tout le temps quelques mois après ou quelques années après les autres. Donc, je vous passe ce parallèle-là. Voilà, donc tout ce bref extrait, ça c'est du David Bowie. Je vous passe le suivant. Deuxième extrait, et ça c'était du Isaac Hayes, et on est 2 ans, non, on n'est même pas 2 ans, on est quelques mois avant la reprise par David Bowie, et donc des exemples comme ça, il y en a des dizaines jusque à la fin des années 2000, où David Bowie se pique de musique techno et utilise des genres qui relèvent du breakbeat, ou de la techno de Prodigy, ou des groupes comme ça, si vous les connaissez. Et alors, évidemment, on peut critiquer ça, mais ce qui m'impressionne, ou ce qui force pour moi un peu l'admiration, c'est que derrière le David Bowie folk, derrière le David Bowie rock progressif, derrière le David Bowie hard rock, parce que le glam, c'est juste une adaptation du hard rock de l'époque, derrière le David Bowie qui incarne le son de Philadelphia, derrière le David Bowie qui fait du krautrock, derrière le David Bowie qui fait de l'électropop, etc., je peux citer ça, ce qui s'approprie, c'est qu'il s'approprie les innovations musicales tellement vite qu'on a parfois l'impression qu'il en est l'inventeur. C'est pas le premier qui fait ça, parce que Elvis Presley doit une bonne partie de sa notoriété à cette capacité d'adaptation extrêmement rapide, mais chez David Bowie, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il arrive à faire ça pendant 4 décennies. Et quand on voit comment la musique rock peut exploser, ou la vitesse à laquelle il explose, et les choix chaque fois pertinents que lui va faire, ça c'est quand même un peu admirable. On peut se demander, ben, il y avait des tas de voies à choisir, et on s'aperçoit que Bowie, la plupart du temps, il va choisir la bonne chose, ou en tout cas, celle qui, dans les années qui suivront, deviendront extrêmement populaires. Et puis, dernier point que je voulais évoquer de manière un peu provocatrice avant de terminer, c'est que David Bowie, il est archi-anglais. Archi-archi-anglais, non seulement parce qu'il est anglais, mais parce que aussi, à la fin des années 90, quand on va voir l'éclosion d'un mouvement qui s'appelle la Britpop, eh bien, on va découvrir que le rock, qui par essence était quelque chose d'international, de briseur de barrières, de briseur de frontières, eh bien, on va assister à une sorte de repli communautaire dans la plupart des pays occidentaux. Et l'événement le plus marquant, sans doute, de cet esprit communautaire, c'est la publication d'un magazine qui s'appelle Select. Et donc, dans ce magazine-là, vous le voyez, je ne sais pas si vous arrivez à le deviner, mais on a comme sous-titre, donc c'est un magazine anglais, et qu'est-ce qu'on a sur le titre? C'est Yanks Go Home. Et pourquoi est-ce que, à ce moment-là, on dit les Américains retournez chez vous, pourquoi les Anglais disent ça aux Américains? Eh bien, parce que c'est le triomphe du grunge à l'époque. C'est du Nirvana, c'est du Pearl Jam partout, et les Anglais qui se disent, mais l'histoire du rock, c'est pas les Américains, c'est nous. Et donc, il y a cette espèce de volonté de dire, mais il faut trouver une alternative à cet envahissement anglais, et cette alternative à cet envahissement américain, pardon, et cette alternative, ce sera reconvoquer toute la culture populaire anglaise. Et cette manière de reconvoquer la culture anglaise, eh bien, on va le voir un peu partout. Ce sera non seulement Morrissey qui va commencer, l'ancien chanteur des Smiths, qui va faire ses concerts avec un drapeau anglais, puis il y a des tas de gens qui vont mettre des drapeaux écossais, c'est la gallois, et tout ce que vous voulez. Il y a aussi, Noël Gallagher qui va customiser sa guitare en mettant un drapeau anglais. Il y a des choses qui sont beaucoup plus poétiques. Regardez comme ça. Et puis évidemment, puisque, donc c'est Gary Halliwell des Spice Girls, et donc il va elle aussi, au même moment, mettre sa micro-jupe au service de défense de la cause des intérêts anglais. Et puis évidemment, j'en arrive à ma couverture. David Bowie aussi, quelques années après, qu'est-ce qu'il fait? Et regardez la couverture, c'est absolument, enfin la pochette, pardon, du disque, ça me paraît un peu incroyable, avec un appareil en lambeaux aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni, comme s'il avait ressorti d'une vieille malle un peu perdue quelque part, eh bien, cette espèce de tenue. Et puis, vous voyez, on le voit de dos, et on a l'impression qu'il est en train de surveiller le lac pour voir si des envahisseurs américains ne vont pas débarquer. Et il le dit de manière explicite sur l'album, puisqu'il y a un titre qui s'appelle « I'm Afraid of Americans ». Et donc lui, ce qui est absolument hallucinant, évidemment, lui qui, pendant le milieu des années 70, s'est complètement tourné vers le son de la musique soul américaine, qui en devient comme ça un des principaux détracteurs. Et donc là-bas, il va s'inscrire dans cette veine un peu conservateur, dans un mouvement qu'on appelle Cool Britannia, et dans lequel on trouve évidemment pas mal de musiciens, mais dans lequel on trouve aussi plein de plasticiens. Et donc il va de nouveau se raccrocher à l'art le plus contemporain, puisque David Bowie devient à ce moment-là pote avec Damien Hirst, avec Tracy Emin, etc. Donc quelques-uns des tout grands plasticiens anglais de la fin du XXe siècle. Et donc, comme le temps qui m'était imparti est pratiquement écoulé, donc juste quelques mots de conclusion. D'abord que Bowie, moi je viens en parler comme musicologue, mais Bowie c'est un rêve pour les sociologues aussi évidemment, ou est-ce pour les sémiologues en particulier, puisqu'avec un univers qui est tellement saturé de signes, que la déconstruction des signes chez David Bowie, c'est presque devenu une discipline olympique évidemment, et il y a pas mal de collègues qui bossent sur le sujet. Bowie, c'est aussi un rêve pour les théoriciens de la culture, et je crois que j'aurais pu passer beaucoup de temps sur les aspects postmodernes de son œuvre ces premières reconfigurations, les premiers collages, les premières associations culturelles qui émergent. C'est la même année que La Condition postmoderne de François Lyotard. On a l'impression que la pratique rencontre la théorie de la même manière. Et puis alors, Bowie, c'est aussi évidemment, je vous l'ai dit un tout petit peu, c'est un rêve pour les musicologues, puisque à lui seul, je crois qu'on pourrait faire une histoire du rock en se concentrant uniquement sur l'œuvre de David Bowie, puisqu'il traverse à peu près tous les courants de ces 40 dernières années. Et enfin, je pense aussi, et c'est peut-être pour ça que vous étiez là surtout plutôt que pour moi, c'est que Bowie, c'est un rêve pour les mélomanes, parce qu'au final, je trouve que c'est quand même de la vachement bonne musique. Voilà, merci pour votre attention.